Le soir tout seul dans l'avocat, je revois mes frères pleurer. Faire du solo dans la secla, je vois les profs se marrer. Quelques diplômes, très peu de chocas, je vois ma vie s'empirer. Très peu de refrains quand ça va pas, je commence à rapper. Aucun studio, je vis la nuit, je vois ma vie s'enivrer. Olympia, Bercy Dôme, et je me méprends à rêver. Peu de solutions que des problèmes, aime d'où les survivrai. Chicha gomme, retarpé, faut bien se laisser aller. Seul au fond de ma binka, je rêvais de percer là-bas. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. J'aurais dû la sortir de là, lui dire qu'elle comptait pour moi. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil, et j'ai jamais su leur dire car j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Plus jeune, je trouvais pas les mots pour leur raconter mon histoire. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Quand l'inspire est terne, j'esquive le fer et je laisse les gens parler. Si je retombe, je remonte en selle, t'inquiète pas, je survivrai. Coup de première, coup de deuxième, combien de fois j'ai cané. Préviens ma mère, préviens mon père, j'ai l'ambition de percer. Ambition, le sommet, du matin au soir harcelé. Je vis le jour endetté, au quartier je passerai pas l'été. Insolent, à ma guise, je reste moi-même, quoi qu'ils disent. Face au vent, la maîtrise deviendra grand, quoi qu'ils disent. Seul au fond de ma pinka, je rêvais de percer là-bas. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. J'aurais dû la sortir de là, lui dire qu'elle comptait pour moi. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil, et j'ai jamais su leur dire car j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Plus jeune, je trouvais pas les mots pour leur raconter mon histoire. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Incompris dans mon coin, tout le monde m'a délaissé. Avec le temps, t'iras pas loin, les rageux me disaient. Papa cesse de râler, maman faut s'en aller. Trop d'années ont passé, jamais trouvé le temps de s'aimer. Souvent absent, je traînais trop, moi aussi j'avais pas les mots. Quand il se rattrape, souvent les loups manquaient à la maison. J'avais pas les loups, j'avais pas les loups. Terré dans mon silence, frérot, j'avais pas les loups. Seul au fond de ma pinka, j'rêvais de percer là-bas. J'avais pas les loups, j'avais pas les loups. J'aurais dû la sortir de là, lui dire qu'elle comptait pour moi. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil, et j'ai jamais su leur dire car j'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Plus jeune, je trouvais pas les mots pour leur raconter mon histoire. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots.